Parler se dit sprechen en allemand. Sprechen. Voyons les deux syllabes de ce mot. La première est spre, S-P-R-E. Encore une fois, la combinaison S-P se prononce sp, tout comme S-T se prononce st. Par exemple, dans le verbe étudier, studieren, qui s'écrit S-T-U-D-I-E-R-E-N. Studieren. Ich studiere, c'est j'étudie. On entend st, mais ça s'écrit S-T. Donc, parler commence par S-P, prononcé sp, spre, puis vient la deuxième partie du mot, le C-H-E-N, avec le ch de ich, sprechen. Alors, à vous maintenant. Comment dit-on parler? Sprechen. Bien. Encore une fois, sprechen. Sprechen. Bien. Sprechen. À vous d'essayer. Sprechen. Sprechen. Alors, si vous voulez demander à quelqu'un, parlez-vous français? Français se dit französisch. Donc, parlez-vous français, ça sera? Sprechen Sie französisch? Sprechen Sie französisch? Et comment diriez-vous, vous parlez très bien allemand? Sie sprechen, très bien. Sehr gut. Allemand. Deutschland. Deutsch. Deutsch, c'est ça. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Pour dire en allemand, il vous faut employer auf Deutsch, mot à mot sur allemand. Auf, c'est sur. On l'avait vu dans warten auf. Attendre sur, c'est-à-dire attendre quelqu'un. Warten auf. Donc, auf Deutsch, sur allemand, c'est-à-dire en allemand. Auf Französisch, sur français. Comprendre en français. Auf Englisch, en anglais. Alors, comment demanderez-vous, comment dites-vous cela en allemand? Wie? Dites-vous? Wie sprechen Sie? Là, vous dites comment parlez-vous? Dire, c'est ce verbe qui est zigzag? Wie sagen Sie? Cela? S? En allemand? Auf Deutsch. Tout à fait. Wie sagen Sie es auf Deutsch? En allemand, pour parler de on avait vu qu'on employait fréquemment la tournure man. Par exemple, on dit. Comment traduit-on on dit en allemand? Man sagt. Oui, d'accord. Man sagt. Ici, vous avez donc man qui est suivi comme il, elle et cela de la forme en t. Sagt. Man sagt. Et comment diriez-vous, comment dit-on cela en allemand? Comment? Wie? Dit-on cela? Sagt man es? En allemand. Auf Deutsch? Bien. Wie sagt man es auf Deutsch? Et comment diriez-vous, on ne dit pas cela ainsi? Man sagt. Cela, suivi de la négation. Es nicht. Ainsi. So. Man sagt es nicht so. On ne dit pas cela ainsi. So, so, c'est ainsi. Man sagt es nicht so. Ou man sagt das nicht so. On ne dit pas cela ainsi. Man sagt es nicht so. Encore une fois, on dit c'est. Man sagt. Et on dit cela? Man sagt es. Bien. Man sagt es. Et maintenant, dans une question, comment demanderiez-vous, dit-on? Sagt man? Oui, d'accord. Sagt man? Mm-hmm. Et dit-on cela ainsi en allemand? Sagt man cela? Es so? Sagt man es so? Oui, en allemand? Auf Deutsch. C'est ça. Sagt man es so auf Deutsch? Dit-on cela ainsi en allemand? Et maintenant, comment demanderiez-vous, comment dit-on cela en allemand? Wie dit-on? Sagt man cela? Es en allemand? Auf Deutsch? Bien. Wie sagt man es auf Deutsch? Wie sagt man es auf Deutsch? Comment dit-on cela en allemand?